En Corée du Sud, des partis de l'opposition ont mis en cause les conservateurs au pouvoir s'affairant toujours aux querelles pour la prise de l'hégémonie. Les porte-parole de l'Assemblée nationale du Parti démocrate Toburon et du Parti de la population ont respectivement publié le 18 un commentaire blâmant les querelles fractionnelles entre le Parti pour un nouveau monde et la Maison Bleue. Par ailleurs, le 19, selon la radio sud-coréenne KBS, les parlementaires des partis de l'opposition sud-coréen ont présenté un projet de loi interdisant le contrôle d'État du manuel d'histoire.